Cours numéro 20. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Qala al-'Allama al-Shaykh al-Sa'di rahmatullah alayhi, faslun ahlu al-Sunnah wa ahlu al-Bid'ah. Donc rahmatullah alayhi, après avoir expliqué en résumé les versets que l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala il a cité fi sifatillahi azza wa jal concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on les a détaillés dans plusieurs cours walillahil hamd. Et le cours précédent on a lu cette explication résumée de l'allama al-shaykh al-sa'di rahimahullah. Fi hadha al-fasl, le chapitre suivant, il a cité un kalam tayyib, mukhtasar kadhalik, pour montrer la voie de Ahlus Sunnati wal Jama'a, et concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la voie de Ahlul Bid'a wal Dhalal, et la voie des innovateurs et des égarés. Faqala rahimahullah, i'lam أن أهل السنة والجماعة هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأهل القرون المفضلة متفقون على إثبات جميع ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها ولا بين الفعلية كالرضا والغضب والمحبة والكراهية. Donc la voie de Ahlus Sunnati wal Jama'a fi hadha al-bab al-muhim al-azim, ay concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, annahum yuthbituna ma athbatahu Allah azza wa jalla li nafsihi fi al-Qur'an wa yuthbituna ma athbatahu rasuluhu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ce qui est cité dans le Qur'an et dans la Sunna comme nom et attribut, on accepte et on croit. Et il n'y a aucune différence بين الصفات الذاتية والفعلية. الذاتية كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والعظمة والسمع والبصر etc. Il n'y a aucune différence entre ces attributs et الفعلية, les attributs qui sont des أفعال, et des actions que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait quand il veut, comme il veut, azza wa jal, car rida wal ghadab wal mahabba wal karahiyya, et d'autres sifat. Limada, rahmatullah alayhi, il a cité ce point, huna li anna al-muharriva y différencie. Ils acceptent certains sifat, certains attributs, et ils rejettent d'autres. Donc, hum, ils ont fait la distinction entre al-dhatiya wal fi'liya. قال وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوها وبين الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كل ليلة وغيرها. كذلك y'a pas de différence entre إثبات الوجه واليدين, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a un visage, il a des mains, il a des yeux, عز وجل, وبين الاستواء على العرش والنزول. Pourquoi on fait aucune différence entre toutes ces sifat? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il les a toutes citées dans Al-Qur'an, où il les a révélées à son prophète Muhammad alayhi salatu salam. Certains attributs ne sont pas cités dans le Qur'an, mais ils sont cités dans le Sunnah. Ala kulli hal, tant qu'on a une preuve, tant qu'on a un texte sahih, authentique de la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr, les versets du Qur'an, on doit accepter. Ne pas différencier les mada, les anna. Toutes ces sifats, c'est des sifats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les sifats que Ahl al-Sunnah wal Jama'a ils ont accepté, il y a un nos. Ça fait partie de leurs règles de base dans ce domaine, dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, les attributs. Anna al-asma wa sifat tawqifiyya. Comme on a dit dans al-qawa'id al-mutla. Et il n'y a pas de dalil. Il n'y a pas de place pour la raison, pour l'ijtihad, et encore plus pour le qiyas. Comparer Allah subhanahu wa ta'ala à la créature, c'est haram. Allah ne ressemble pas à la créature. Kadhalika l'ijtihad, il fait un effort Il fait un effort, il arrive à savoir est-ce que Allah il a cet attribut amla. Hada c'est mamnou' et c'est mustahil via hada al-bab. Pourquoi? Parce que hada al-bab c'est min ilm al-ghayb. Ça fait partie de l'invisible pour nous et on connaît pas l'invisible. Wa indahu mafatih al-ghayb la ya'lamuha illa hu subhanahu wa ta'ala. Donc on a les textes, c'est tout ce qu'on a. Et ça nous suffit, walillahi alhamd. Ça fait partie de la révélation d'Allah Azza wa Jal. Qala wa kulluha yuthbitunaha min ghayri nafyin li shay'in minha wala ta'wilin wala tahrifin wala tamthil. Comme on a taqaddam ma'ana dans la muqaddima de Al-Wasitiyya de ce livre. Nuthbituha, on accepte tous ces noms, tous ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et on ne les rejette pas. Et bien sûr, هذا الإثبات c'est un ithbat à la tariqati as-salaf. Tariqati as-sahaba radiyallahu anhum. Qui ont pris هذا العلم directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on accepte ces attributs. Wa nu'minu biha. Et sans faire de ta'wil. Sans faire de tahrif. Sans faire de tamthil. كذلك تقدم معنا sans faire de ta'til et sans faire de takjif et sans faire de tafwid. On accepte. مثلا الله سبحانه وتعالى إلى دماء بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه الله سبحانه وتعالى إلى دماء يفعل ce qu'il veut sans faire de ta'wil et de tahrif. On ne dit pas les mains, ce n'est pas des vraies mains parce que kada, parce que kada. Et on a détaillé walillahi alhamd dans les versets que Cheikhoul Islam il a cités concernant les attributs des mains. On ne fait pas de tahrif, c'est des vraies mains. Est-ce qu'elle ressemble aux mains des créatures? Abadan, falihada qal wala tamthil. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Et كذلك قال la ta'wil wala tahrif wala tamthil كذلك wala takyif. Comment elles sont ces mains? Allahu a'lam. On a lu ensemble ams la parole de l'imam Malik rahmatullah alayh. Et cette parole, c'est la voix des salaf, de jami' as-salaf radiyallahu anhum. قوله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. Ça c'est un أثر, c'est une parole, c'est une base dans notre عقيدة. فالاستواء معلوم. Et كذلك les deux mains معلومة. أي on connaît le sens, on sait c'est quoi des mains en arabe. قال والكيف مجهول, le comment الله أعلم, on ne sait pas. والإيمان c'est wajib, on doit croire. والسؤال عن الكيفية, et demander le comment de ses mains, c'est une bid'a. Et on a la conviction que les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemblent pas aux mains des créatures. لماذا? لأن on a une autre règle, الكلام عن الصفات كالكلام في الذات, أو الكلام في الصفات كالكلام في الذات. Comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même ne ressemble pas à la créature, enfin ses attributs كذلك. Et autre chose, on affirme que c'est les mains d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi faire cette comparaison? C'est les mains d'Allah, on ne parle pas de mains de créature. Hatta on a besoin d'un comment ou d'une comparaison. Fanas'alullah at-tawfiq. Fil haqiqa, hadha al-bab il est wadih, il est clair. C'est pour ça qu'il était clair inda as-salaf. Lakin, ahlul bid'a, ils ont compliqué les choses avec leur raison. Ils ont délaissé les textes et se sont appuyés sur leur raison. Et, ayyadam billah, le suivi des passions, les innovations, ils ont cru qu'il y avait des problèmes ou des ambiguïtés. Le fait d'accepter ce sifat, ils se sont sentis obligés de faire hada at-ta'wil, qui est du tahrif al-haqiqa, pour s'écarter soi-disant de cet égarement, ay at-tamthil. Lianna ha'oula pour eux, si tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala il a des mains, il a un visage, il est au-dessus de son trône, il descend le dernier tiers de la nuit, il se met en colère. Kadhalik sifat al-rida, il agrée, il est satisfait, al-mahabba, il aime, al-karahiya, il déteste. Si tu leur cites toutes ces sifats et tu affirmes que tu crois à toutes ces sifats, bah, ils vont te dire que tu es un mumathil. C'est pour ça qu'ils appellent Ahl sunnah al-mujassima. Mujassima ça vient du mot jism, le jism c'est le corps. Et pour eux, on a donné un corps à Allah subhanahu wa ta'ala comme celui de l'être humain. Il a un visage, il a des mains, il a des doigts. Et là, ça montre qu'Anahum s'est déségaré. Wa sunni, il compare jamais Allah subhanahu wa ta'ala à la créature là. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des sifat. Et l'être humain, il a certaines sifat kadhalik, mais il n'y a aucune comparaison à faire et elles ne sont pas identiques. فلهذا العلماء يقولون الاشتراك في الأسماء لا يستلزم منه الاشتراك في الصفة. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a des mains, l'être humain kadhalik il a des mains, est-ce que ça implique une ressemblance là? Pourquoi? Parce qu'on dit les mains d'un être humain, donc c'est des mains à cet être humain. Les mains d'un être humain, c'est connu en général, c'est cinq doigts, c'est fait de chair, d'os, de sang, etc. Ça c'est les mains d'un être humain. Quand on dit les mains d'Allah azza wa jal, ça n'a rien à voir. Les mains d'Allah, on a dit les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et kadhalik, on répète en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'awwal. Allah subhanahu wa ta'ala, il avait des mains, il a toujours eu des mains. L'être humain, il n'existait pas. Enfin, pourquoi faire cette comparaison? Pourquoi dire qu'Allah, il a les mêmes mains que l'être humain, alors qu'Allah, il a toujours existé, alors que l'être humain, il n'existait pas? Ça nous montre en al-qawm, ils sont à la dhalal al-mubin. Qala rahimahullah, wa hadha huwa al-haq. وهو الصراط المستقيم وهو الطريق المنجي من عذاب الله والهدى والنور العطف عطف الهدى والنور أي والهدى والنور عطف على الطريق فسنقول الكلام وهذا هو الحق وهو الصراط المستقيم وهو الطريق المنجي من عذاب الله والحرف و هنا صعب يعني الطريق والطريق وطريق الهدى والنور قال وخالفهم في هذا الأصل طائفتان من أهل البدع. La voix de أهل السنة concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on vient de citer quelques points en résumé. وإلا فأن الله détaillé ولله الحمد dans l'اقتصاد في الاعتقاد. Et on l'a détaillé en détail ولله الحمد dans القواعد المتلى de الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. كذلك on l'a redétaillé قليلا dans l'introduction de ce livre. Le début de Al-Wasitiyya. قوله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره. Tout ça on avait expliqué ولله الحمد من كلام الإمام ابن تيمية كلام الشيخ سعدي. ثم si tu as compris donc la voix de أهل السنة في هذا الباب العظيم طائفتان من أهل البدع deux groupes parmi les innovateurs et les égarés, ils ont khalif ahle sunnah. Ils ont choisi, ils ont pris une autre voie. Et ils sont en contradiction avec la voie des salafs et la voie de ahle sunnah. Qala ihdahuma, le premier groupe, al-jahmiyyah wal-mu'attila, ala ikhtilaf tawa'ifihim. Les ulama les appellent al-mu'attila. Al-mu'attila, c'est un ismun jami' qui englobe chaque mu'attil. Que ça soit un Mu'tazili, ou que ça soit un Jahmi, ou كذلك un Ash'ari, il a akhri. Lakin l'Ash'ari les a cités dans la deuxième ta'ifa. Fahuna, c'est Al-Mu'attila, Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila. Qala Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila ala akhtilaf tawa'ifihim. Et ces deux groupes, walillahi alhamd, on a étudié avec Ba'd al-Ikhwa leur égarement dans une série de cours sur les sectes en islam. Et on avait traité, walillahi alhamd, ces deux sectes, al-Jahmiya ou al-Mu'tazila. Et leur égarement, fi hada al-bab, il est wadih, annahum, ils rejettent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ba'dhum, ils n'acceptent pas hatta les noms. Et كذلك, huna, nous nabih, anna, dans al-Tadmouriya, al-Imam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, c'est un kitab azim, fi hada al-bab, fi bab al-sifat. Et il a détaillé l'égarement de Al-Mu'attila, de ces deux groupes, Al-Mu'attila ou Al-Muharrifa. Inch'Allah, on a l'intention d'étudier après ce livre Al-Taqrib, ou après Al-Tahawiyya, on verra. Al-Muhim, on a l'intention d'étudier ensemble Taqrib Al-Tadmouriya. Al-Tadmouriya, l'asl, l'origine, c'est de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, il a écrit Al-Taqrib, et il l'a résumé, l'a simplifié. C'est une petite risale, lakin fiha fawaid jalila. Ala kulli hal, on détaillera hunak inshaAllah ta'ala. Et on a déjà détaillé dans notre série de cours de les sectes en islam l'égarement de ces deux groupes. Al-Muhim, annahum, ils ont rejeté les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa innahum nafaw jami' as-sifat wa lam yuthbitu illa al-asma' wal-ahkam. Et ba'dhum, même l'asma, ils les ont rejetés Karulat al-Jahmiya. Qala. Donc, pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'attributs. Lakin baqiya les noms. Les noms, ils sont cités dans le Coran. Et même les attributs. Lakin les attributs, ils les ont rejetés. Les noms, mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Sami'a. Wa huwa Sami'u al-Basir. Inna Allah kana Sami'an Basira. Pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Sami'a, lakin sans Sami'a. هذا قوله ولم يثبت إلا الأسماء والأحكام أما الوصف اللي نرجته فبور eux les noms d'Allah سبحانه وتعالى c'est مجرد أعلام ça confirme pas un attribut parfait comme on a détaillé كثيرا فبور eux Allah c'est السميع لكن il entend pas c'est البصير لكن il a pas de بصر c'est العليم mais il a pas de علم c'est العلي mais tu peux pas dire qu'il est في العلو وهكذا قال والآيات السابقة كلها تنقض قولهم وتبطله. Tous les versets qu'on a étudiés ensemble, Wallahi alhamd, dans cette risala al-wasitiyya, c'est une réfutation contre Haoula. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé qu'il a des noms, qu'il a des attributs. As-sifat kadalik, il y a des sifat dhatiyya, il y a des sifat fi'liyya. Donc tout ça, ça nous montre que Haoula, c'est des égarés. Qala wa kadalika kalamuhum hada yanqudhu ba'dahu ba'da. Fa inna ithbat al-asma wal-ahkam bila awsaf taqumu billah muhalun aqlan kama annahu batilun sam'a. Ils ont, Iyadun Billah, délaissé les textes et ils se sont contredits. Les mahad aliyana, ils ont accepté les noms, ils ont rejeté les attributs, ça c'est une contradiction claire. Les anna Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est As-Sami' c'est qu'il entend. Wa illa, pourquoi il a ce nom As-Sami' Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Qadir, c'est qu'il a le Qudra. Le Qudra, c'est la capacité. Wa hakada, tous les noms d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, qala wa lillahi l'asma'ul husna. والأسماء الحسنى c'est des noms qui renferment des attributs parfaits. وإلا عياذا بالله pour eux il y a aucune différence entre السميع والجبار والرحيم والكريم والغفور tout ça pour eux c'est le même sens لماذا لأن ces noms ils renferment pas d'attributs parfaits et ça c'est très très grave. وهكذا ça contredit la raison. هذا قول الشيخ سعدي رحمه الله محال عقلا ça c'est pas possible عقلا. Tu demandes à n'importe qui, mina al-uqala, là, chacun d'entre eux, il va comprendre. Si tu lui expliques que tel nom, il a un sens, et celui qui a ce nom, il a ce sens, on parle fi haqqillahi azza wa jal, bien sûr. Mais, wa'adhan nas, ils ont des noms avec des, qui renferment un sens. Tayyib, lakin, ils sont loin de ce sens. On a déjà cité l'exemple. Matalan, ba'dhum, il s'appelle Karim. Et, c'est mina abkhala nas, peut-être. هذا الرجل أو هذه المرأة كريم ça vient de la générosité. Il est pas généreux. Alors, بعضهم ils s'appellent عزيز ils ont aucune عزة بل أذلة ils sont humiliés nuit et jour وهكذا. أما les noms d'Allah سبحانه وتعالى فهي renferme forcément un attribut parfait. Et كذلك ما المانع si on se pose la question الآن أين المانع il est où le problème de dire qu'Allah سبحانه وتعالى il a des noms et des attributs. Bel, ça fait partie de notre aqidah. Bel, c'est la base de notre din. Bel, c'est min al-hamd wa thana. Quand on accepte ces noms, on croit, ça fait monter l'iman, etc. Lakin, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ? Ayn al-ishkal, pourquoi ils ont rejeté ? Ils ont tous la même shubha. Et on l'a répété kathiran et on le répète. Et on doit s'habituer on a, à répéter. Pourquoi hatta on comprend et hatta wallahi alhamd on n'oublie pas et on mémorise hadhihi al-masail ces points on doit les mémoriser les comprendre anna oula pourquoi ils ont rejeté hada li anna pour eux si tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a des noms ou des attributs là, tu le fais ressembler à la créature fali hada ils ont cru que at-tanzih tanzih Allah subhanahu wa ta'ala an an-naqais wal 'uyub wal mithl etc c'était de rejeter هذا. Et هذا c'est من أشد التناقض. لماذا لأن الله سبحانه وتعالى c'est lui qui a révélé ses noms et ses attributs. Donc Allah سبحانه وتعالى il est أعلم بنفسه. Allah سبحانه وتعالى il sait tout et il nous a montré, il nous a révélé. Alors, il a révélé au prophète Mohammed pour toute la communauté ses noms et ses attributs. Donc il n'y a aucun problème. كذلك pourquoi الرسول عليه الصلاة والسلام il a accepté عليه الصلاة والسلام. Pourquoi الصحابة رضي الله عنهم ils ont accepté. Donc ça nous montre que ce sujet il est clair, il n'y avait aucun problème à l'époque. Lakin les égarés, ils ont compliqué les choses. Et ils ont compris que ça impliquait certaines choses fausses, comme le fait de faire ressembler à Allah à la créature. Et, ayyadun billah, ils ont rejeté. Ha'oula, c'est le premier groupe, al-Jahmiyyah, al-Mu'tazila, al-Mu'attila. Wa'adhum, ils rejettent les noms et les attributs. Wa'adhum, ils acceptent les noms, lakin, ils rejettent les attributs. Et ha'oula, c'est des égarés. At-ta'ifatu thaniya, le deuxième groupe, al-Ash'ariyyah. Wa ba'd al-ulama, ils les appellent al-Ash'a'ira, nisbatan ila Abi al-Hasan al-Ash'ari, al-Imam, rahmatullah alayhi. Et كذلك, dans notre série sur les sectes en islam, walillahi alhamd, on a propagé beaucoup de ces cours et on n'a pas terminé. Wa nas'alullah azza wa jalla at-tawfiq pour qu'on termine. Wa ala kulli hal, le groupe al-Ash'ira, on l'a étudié. فنسبة إلى أبي الحسن الأشعري. أما أبو الحسن الأشعري فتاب من هذا المذهب. Il a eu plusieurs étapes, cet imam. C'était un mu'tazili au départ. ثم il a délaissé ce groupe. ثم تأثر بالكلابية. Et il a fait du ta'wil dans les sifat. ثم il a eu des suiveurs. Et c'est devenu un groupe, الأشعرة أو الأشعرية. ثم والله الحمد تاب. تاب, il est revenu à la voie des salaf. فهؤلاء الأشاعرة ومن تبعهم قال وهم أخف حالا وأهون من المعتزلة لأنهم وافقوا أهل السنة في شيء ووافقوا المعتزلة في شيء. قوله أنهم أهون, لماذا؟ لأنهم ils ont accepté certaines choses. لكن إذا تأملت le danger c'est هؤلاء. أما المعتزلة ولله الحمد المسلمون وكذلك الجهمية المسلمون ils acceptent pas leur قول en général, même si on vit à une époque où il y a des mu'tazila. À notre époque, ils sont appelés l'aqlaniyoun, et ceux qui font passer la raison avant les textes. Et iyadun billah, ils rejettent beaucoup de textes, que ce soit dans les noms, dans les attributs, tout ce qu'il y a à l'invisible, comme le châtiment de la tombe, la vision d'Allah Azza wa Jal. Haoula, ils existent encore ila yawmina hada. Lakin al-Ash'ira, leur shubha est plus grave. Elle est plus dangereuse pour le musulman. فَلِهَذَا tu trouves كَثِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَأَثَّرُوا بِهَذَا الْمَذْهَبِ. Et ils ont pensé que c'était eux, Ahlus Sunnah. فَالْحَقِيقَ مِنْ حَيْثَ الْخُطُورَةِ الْأَشَعِرَ leur khatar, il est عظيم. حَتَّى بَعْضَ النَّاسِ quand ils entendent Ahlus Sunnah, ou ils pensent que Ahlus Sunnah, ils disent c'est l'Ash'a'ira. Et d'autres, ils disent Ahlus Sunnah, ils se divisent en plusieurs groupes. As-Salaf, وَالْأَشَعِرَ وَالْكُلَّابِيَ. Et tout ça, c'est un kalam bâtil. Ahl al-Sunnah, c'est ta'if al-Mansoura, c'est le firqatu al-Najiyah. C'est ceux qui ont suivi al-Salaf. C'est ceux qui ont compris hada al-Din avec le Qur'an ou al-Sunnah. Et bien sûr, la compréhension de al-Sahaba, radiyallahu anhum. Fahaula, qala, wafaqu ahl al-Sunnati fi ithbat al-sifat al-sab'a. وهي الحياة والكلام والعلم والسمع والبصر والإرادة والقدرة. هؤلاء ils ont accepté sept attributs sans rentrer dans les détails. بعضهم ils ont accepté plus, بعضهم ils ont accepté moins, بعضهم مهم. بالجملة ils ont accepté sept attributs. L'attribut de الحياة, la vie, والكلام, la parole, والعلم, la science, السمع والبصر, l'ouïe et la vue, al-irada, la volonté, ou al-qudra, la capacité. Lakin i'lam, awlan, ils ont accepté ces sept sifat et ils ont rejeté les autres sifat. Ça montre encore une plus grande contradiction. Falihada, si on revient au début du kalam, Sheikh Sa'di rahimahullah, il avait fait le tambih, la remarque, annahu la farq, il n'y a pas de différence entre tel attribut et tel attribut. Aïe, c'est pour réfuter contre Ha'oula, pour réfuter plutôt Ha'oula. Donc, Ha'oulan, ils se sont contredits. Ils ont accepté certains sifats, ils ont rejeté d'autres. Alors que ces attributs qu'ils ont acceptés, ils sont cités dans le Coran et dans le Sunnah. Et les attributs qu'ils ont rejetés, Kadalik, ils sont cités dans le Coran et dans le Sunnah. Lakin, pourquoi ils ont accepté une partie, ils ont rejeté d'autres attributs? C'est Al-Hawa, c'est les passions. Wa illa fa leur qa'ida. C'est quoi? C'est que si tu dis qu'Allah il a des mains, ou un visage, ou des doigts, ou des yeux, tu le fais ressembler à la créature. Hakada yaqoul. C'est pour ça qu'ils disent que les mains, c'est bima'na kada. Les mains, c'est les bienfaits, ou c'est la force. Ils disent que les yeux, c'est la vue. Amma ithbat al-aynin, ils acceptent pas. Mouhim, ils ont rejeté à cause du tamthil. C'est ce fait qu'ils ont accepté. Al-hayat wal-kalam wal-ilm wal-sam wal-basar wal-irada wal-qudra. Tu verras que tous ces attributs, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a. Et l'être humain, kadalik, il a une vie. L'être humain, il parle en général. L'être humain, il a du ilm, chacun par rapport à son niveau. Il a des connaissances, il a du savoir. L'être humain, en général, il entend, il voit. Kadalik, il a une volonté et kadalik, il a une capacité. Falimala, ils ont accepté sans faire de tamtil fi hada. Alors que le reste, ils ont rejeté le tamtil. Ça nous montre. C'est pour ça que nous, on dit Allah, il a une vie. Ben, il a une vie parfaite, c'est le hayy, c'est le qayyum. Et l'être humain, il a une vie, et on ne peut pas comparer les deux vies. Si tu prends, مثلاً, min hayth, le début, l'être humain, sa vie, elle est précédée par le néant. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a une hayat azaliya. Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est l'awwal, il a toujours existé. Il n'y a jamais eu un moment où il n'existait pas. Il n'a jamais été précédé par le néant. Donc, c'est une énorme différence. وَهَكَذَا la vie de l'être humain, elle est faite de faiblesse, de manquement, d'imperfection. Allah subhanahu wa ta'ala la yanam. L'être humain, il a besoin de dormir. Allah subhanahu wa ta'ala, il mange pas, il boit pas. L'être humain, il est obligé de manger et de boire. Donc, si on accepte que Allah, il a la vie parfaite, sans faire ressembler à l'être humain, وَهَكَذَا on accepte qu'Allah, il a des mains, sans faire ressembler à l'être humain. On accepte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a des yeux, sans faire ressembler à l'être humain. وَهَكَذَا Pourquoi? Parce que c'est des attributs d'Allah, ils sont parfaits. Amma fi haqq al-makhluq, fi haqq al-bashar, s'il a cet attribut, maintenant l'être humain il parle, lakin c'est pas comme Allah Azza wa Jal. Donc al-ishtirak fi al-ism la yalzam minhu al-ishtirak fi al-wasf. Ça c'est une règle qu'on a vue كثيرًا. Thaniyan, un autre point important كذلك, i'lam anna ithbat al-ash'ira li ba'd hadhihi as-sifat, c'est pas comme ithbat ahl-sunnah. Wa taqaddam ma'ana hadha fi al-kalam. Et on reverra, Inch'Allah, en détail. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, fit taqrib, taqrib al-tadmouriya, qala, fa'athbatu lillah min as-sifat, seb'a sifat, et il les a cités, al-hayat, wal-ilm, wal-qudra, wal-irada, wal-kalam, wal-sam'u, wal-basar, ala khilaf baynahum wa bayna as-salaf fi kayfiyat ithbat ba'd hadihi as-sifat. Ne pas comprendre annahum, si on prend sifat al-kalam, anna al-ash'ira, ils ont la même aqida que nous dans sifat al-kalam. La. Là, ils ont accepté cet attribut, et même ces sept attributs, certains de ces attributs, ils les ont pas acceptés comme as-salaf. Maintenant, si on prend sifatul kalam, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, hum, c'est un kalam nafsi. Pour eux, c'est un sifat dhatiya. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cet attribut, lakin c'est pas un fi'l, c'est pas une action. C'est un kalam nafsi. Haqiqa, c'est comme l'ilm. C'est comme al-hayat, pour eux. C'est des awsaf, des sifat. Dhatiya. Amma nous, on dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours eu cet attribut, et Allah subhanahu wa ta'ala, il yatakallam matasha kayfasha. Et son kalam, c'est bi huruf wa aswat, wa laysa kamithlihi shay. C'est pour ça que Moussa, il a entendu, c'est pour ça que notre prophète Mohammed, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu, wa hakada. Donc, hada, c'est un tambih muhim. Et l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a détaillé hada et d'autres savants. Et Inch'Allah ta'ala, ça y a-t-il ma'ana shaymina mina tafsil. Qala, wa wafakul mu'tazila fi baqiyati s-sifat. Aïe, taqaddam ma'ana anna al-mu'tazila, ils ont rejeté les sifat. Donc, wafakul mu'tazila fi baqiyati s-sifat, aïe fi ta'atil. Wafakul mu'tazila, aïe fi ta'atil. Amma al-mu'tazila, aslan la yuthbituna s-sifat. Donc, ils sont d'accord avec mu'tazila dans le fait de rejeter le reste. قال والجميع محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام. Et tout cela محجوجون. Et leur قول, il est bâtel, leur position, elle est fausse. Et ils se sont égarés. Pourquoi? Parce qu'ils ont contredit le Coran, la Sunna du prophète, صلى الله عليه وسلم, وإجماع الصحابة, رضي الله عنهم, والقرون المفضلة. أي للسلف. Ceux qui sont venus après les Sahaba, ils ont tous accepté هذه الصفات sans faire de ta'til, sans faire de tahrif, sans faire de tamtil, sans faire de takif. Wa raji' kutub ahl al-ilm fi hadha, et tu trouveras beaucoup de paroles des sahaba et de ceux qui sont venus après eux, comme kitab at-tawhid d'Ibn Khuzaymah, wa hakadha al-ibana d'Ibn Battah, wa hakadha al-shari'a d'Imam al-Ajurri, et beaucoup de livres fi hadha al-bab. Des imams, ils ont rassemblé la parole de Ha'oula al-A'imma. Dans ce domaine, al-Asma wa al-Sifat. قال وأما النفي للصفات كلها أو التناقض فإنه مخالف للكتاب والسنة ومناقض للعقل الصحيح فلا يثبت للعبد إيمان إلا بالإيمان المحض والتسليم لما جاء به الرسول بلا شرط ولا قيد والدوران مع النص إثباتا ونفيا. هذا الكلام الجميل. الشيخ سادي رحمه الله il a conclu أن ceux qui ont rejeté les attributs, oh, ils ont accepté certains, ils ont rejeté d'autres. Ha'oula, ils ont contredit les textes, bien sûr. Et kadhalik, ils ont contredit la raison. Et kadhalik, ils se contredisent entre eux. C'est pour ça que tu trouves, عند الأشاعرة, هذا يثبت cette معنى. Un autre, il la rejette. Un autre, il explique par autre chose. لماذا? لأنهم, ils se sont pas basés sur quelque chose d'infaillible. Al-Qur'an ou Al-Sunnah. Celui qui se base sur ces deux choses, son qawl, wallah alhamd, il se contredira pas. قال فلا يثبت للعبد إيمان إلا بالإيمان المحض. C'est ça l'Iman. L'Iman c'est quoi? C'est le fait de croire et de se soumettre. C'est ça l'Islam ou l'Iman. C'est de se soumettre et de croire et d'accepter. Enfin, pourquoi rejeter alors que c'est كلام الله عز وجل? Pourquoi rejeter alors que c'est notre prophète عليه الصلاة والسلام qui nous a montré? قال فلا يثبت للعبد إيمان إلا بالإيمان المحض و تسليم لما جاء به الرسول بلا شرط ولا قيد. On n'a pas le droit de mettre des conditions. هؤلاء, si tu analyses bien leur voie, leur madhab, leur égarement, كأنهم ils ont mis une condition. On accepte les noms. Al-Jahmiya, ils ont accepté les noms. Lakin, ils n'acceptent pas les attributs. Pourquoi? Il y en a pour eux, c'est comme s'il y avait une condition. Là, ça implique que ça fait ressembler à Allah la créature, on n'accepte pas. من أين جاء هذا؟ Ça vient d'où هذا؟ Pourquoi الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس؟ Ceux qui avaient le plus de science. وأتقى الناس. Ceux qui craignaient le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont pris ce ilm directement du prophète عليه الصلاة والسلام. Pas comme ceux qui sont venus après eux. Donc, لماذا هؤلاء ils ont accepté بلا شرط ولا قيد؟ Pourquoi هؤلاء il n'y avait aucune condition؟ تعلمون pourquoi؟ لأن هؤلاء ils avaient un iman قوي واستسلموا لله عز وجل et ils se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala وانقادوا لشرعه. Ils ont accepté tout ce qu'il y a dans les textes. ولهذا ils n'ont pas mis de conditions. نعوذ بالله de ces conditions. قال والدوران مع النص إثباتا ونفيا. C'est ça le موقف الصحيح. الدوران. الدوران c'est le fait de suivre. Le fait de suivre هنا مع النص إثباتا ونفيا. الدوران ça vient de le fait de se retourner, de regarder à droite, à gauche. هذا c'est le sens littéraire. هنا والدوران مع النص إثباتا ونفيا. أي se dirige où qu'il y a le texte, où qu'il y a la preuve. نفيا وإثباتا. أي si un dalil nous montre qu'Allah il a cet attribut, on accepte. Si un dalil nous montre qu'Allah il a pas cet attribut, c'est un défaut, c'est un manquement, c'est une imperfection, on n'accepte pas. مثلا أعظم آية في القرآن كما تقدم معنا آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. السني l'accepte, الله c'est الحي, c'est un de ses noms et chaque mot il englobe un attribut parfait. فالحي ça englobe l'attribut parfait de la vie, on accepte, on dit Allah c'est le vivant et il a une vie parfaite. القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. النفي أن الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. تقدم معنا أن السنة c'est مقدمة النوم. C'est le début. Quand واحد يسومنول, il commence à s'endormir. Et النوم c'est le fait de dormir. الله سبحانه وتعالى نفع نفسه les deux. Il ne dort pas. عز وجل. Et il n'a pas besoin de dormir. Pourquoi? Parce qu'il est parfait. Donc, on dit, on affirme que الله سبحانه وتعالى il ne dort pas. Enfin, c'est ça, مذهب أهل السنة. Vous avez remarqué que c'est très très simple. Tu te bases sur les textes. أما الجدال la polémique et عيادا بالله des إشكالات بل c'est des وساوس من الشيطان. Le fait de se poser trop de questions et le fait de se compliquer les choses, هؤلاء ils ont suivi les philosophes. لماذا انحرفت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة؟ Parce qu'ils ont délaissé le Coran ou le Sunna et خاضوا في علم الكلام. Ils ont lu et ils ont voulu profiter des livres de certains philosophes, certains égarés. La philosophie, c'est exactement le contraire du Coran et de la Sunna. Le Coran et la Sunna, c'est basé sur la soumission et t'acceptes. Et c'est très très simple. La philosophie, c'est tout le contraire. La philosophie, c'est tu dois toujours te poser une problématique. Thèse, antithèse, mais pourquoi, comment. Et ils font que compliquer les choses. Et c'est la cause de l'égarement de Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila et Al-Ash'ira. فنسأل الله عز وجل الثبات. Donc هذا الفصل c'est un فصل طيب et très très simple. ثم قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول به ربه صلى الله عز وجل وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. الإمام ابن تيمية رحمه الله à partir de ce passage il a cité des preuves min sunnati an-nabi alayhi salatu wasalam. Donc la première partie de l'wasitiyya c'était des versets du Coran. ثم la partie suivante c'est des ahadith du prophète alayhi salatu wasalam. Et avant de citer des ahadith, il a montré une règle fondamental fi hadha al-bab anna as-sunnah c'est un asl azim, c'est une source, c'est la deuxième source après le Coran. Falihadha il a démontré huna alayhi rahmatullah anna tout ce que le prophète alayhi salatu wasalam nous a montré bien sûr dans les ahadith as-sahiha, les ahadith authentiques, on doit accepter. قال الشيخ سعدي رحمه الله اي ايمانا خاليا من التعطيل والتحريف ومن التكييف والتمثيل. هذا قوله الإيمان. الإيمان بها كذلك. أي الإيمان on doit croire sans faire de ta'til, sans rejeter, sans faire de tahrif, sans déformer, sans faire de takif, aller chercher le comment, et on peut pas le connaître, et كذلك sans faire de tamthil, Allah subhanahu wa ta'ala il ressemble pas à sa créature. Et tout ça والله الحمد تقدم معنا كثيرا. قال بل إثباتا لها على الوجه اللائق بعظمة الرب. Celui qui a ce fondement et qui a compris cette phrase, بإذن الله عز وجل سيرتاح في هذا الباب. Et il va s'écarter de tous les wasawis et toutes les problématiques que certains ils se posent par rapport au nom d'Allah عز وجل et aux attributs. Et le fait de faire toujours cette comparaison et croire que Allah il ressemble à la créature. قال بل إثباتا, tu acceptes. إثباتا لها, tu acceptes ses attributs. على الوجه اللائق بعظمة الرب. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a informé qu'il descend, c'est pas comme le makhlouq. Donc ne fais pas la comparaison. Et ne te pose pas des questions, yadam billah, que tu n'auras jamais la réponse. Et des questions inutiles. Ça serait important pour ton din. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'aurait montré. Donc on n'a pas besoin de هذا. تؤمن على الوجه اللائق بعظمة الرب عز وجل. Et tu as plusieurs fondements هنا. أن الله عز وجل ne ressemble pas à la créature. هذا c'est un fondement. كذلك tu as un autre fondement أن les attributs d'Allah سبحانه وتعالى ils sont parfaits. كذلك tu as un autre fondement أن les textes ne se contredisent pas. Allah سبحانه وتعالى il nous a informé qu'il est au-dessus مثلا et il nous a informé qu'il descend au dernier tiers de la nuit, il n'y a aucune contradiction. Ne te fatigue pas. Allah il ne ressemble pas à la créature. فتؤمن أن الله il est au-dessus عز وجل et أنه il descend le dernier tiers de la nuit. Et كذلك tu as un autre fondement, أن الله عز وجل il est capable de tout. Donc ne réfléchis pas dans ce bab avec ta raison de makhlouq, de créature faible, pour essayer de comprendre la perfection d'Allah عز وجل. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut. تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال كلتا يديه يمين. Les deux mains d'Allah عز وجل c'est des mains droites. Ne fais pas la compérance avec le makhlouq, ça t'atab, comme ils ont fait certains. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Il a deux mains, ses deux mains droites, et ses deux mains parfaites. Celui qui veut faire la comparaison avec un makhlouq, comme ils ont fait Ahlul Bid'ah, ils ont rejeté les mains. Ils ont dit, hada, c'est pas possible. Les mains, hada, c'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Est-ce que Allah, il est capable de créer un être humain avec deux mains droites? Il est capable, bien sûr. Il est à la kulli shay'in qadir. Limada se poser ce genre de questions? C'est pour ça que, et تستفيد من كلام الشيخ سعدي رحمه الله une فائدة عظيمة أن ceux qui se sont égarés في هذا الباب باب الأسماء باب الصفات et on peut rajouter كذلك باب القدر le destin En général, ils ont un sou au dhan billah, subhanahu wa ta'ala. Ils ont une mauvaise opinion d'Allah azzawajal. Emma, ils pensent que il est pas capable de telle chose. Emma, ils pensent que cette chose c'est une imperfection. Emma, ils pensent qu'Allah il ressemble à la créature, même s'ils ne le disent pas avec leur langue. C'est ce que ça implique. Donc, on fait attention. On répète cette phrase, bel ithbatan laha ala alwajhi al-la'iq bi'azamati ar-rabb. قال رحمه الله وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل قال فإن السنة توضح القرآن أو بيان الجملة هنا الكلام اللي بقى واضح قال فإن السنة توضح القرآن أو بيان الجملة أو تقيد نعم هنا لعله ستبين لأن هناك فعل juste avant توضح après il y a un فعل juste après تقيد أما si on lit بيان c'est pas clair en langue arabe فعم ريبيت فإن السنة توضح القرآن وتبين الجملة أو تقيد المطلق فلعله هذا سأقرب والله أعلم على كل حال هنا il a montré le أصل qu'on a vu كثيرا أن حكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل la سنة c'est une source comme le Coran قال عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est la révélation d'Allah عز وجل Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé bien sûr le Coran au prophète عليه الصلاة والسلام c'est la parole d'Allah عز وجل et كذلك il lui a révélé la sunna الحكمة et on verra des preuves que Cheikh Saadi l'a cité rahmatullah alayhi donc on a deux sources في هذا الباب on a le Coran et on a la sunna Et هذا والله الحمد لله détaillé dans القواعد المثلى. قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. Donc Allah سبحانه وتعالى il a descendu deux choses, il a révélé deux choses. Le kitab, c'est le Coran bien sûr, et le hikma, c'est la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. Donc ces deux sources c'est min Allah سبحانه وتعالى. Donc ces deux sources c'est des preuves pour affirmer أن الله عز وجل il a tel attribut أم لا. On peut ajouter un verset. هنا قوله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. تأمل ce verset. وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال الإمام العثيمين والإمام السعدي إلى آخره. Ils ont expliqué الذكر par le Coran. Et si tu médites ce verset, قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الله سبحانه وتعالى il lui a révélé الحكمة comme on vient de citer dans le verset précédent pour expliquer هذا القرآن. Donc ça nous montre أن السنة elle explique le Coran et elle détaille le Coran. فلهذا قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى dans son tafsir أراد بالذكر الوحي الذكر سي الوحي بعض العلماء يديز القرآن قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للوحي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فالله سبحانه وتعالى il a révélé الحكمة la sunna au prophète صلى الله عليه وسلم pour que النبي صلى الله عليه وسلم il leur détaille et il leur explique هذا القرآن العظيم قال أراد بالذكر الوحي وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للوحي وبيان الكتاب يطلب من السنة وبيان الكتاب يطلب من السنة أي سكدتاي هذا القرآن السنة مثلا الله سبحانه وتعالى في القرآن on est tous d'accord أنه عز وجل il nous a ordonné الصلاة وأقيموا الصلاة combien de versets sur الصلاة كثيرة لكن les détails Si tu veux apprendre à faire la salat et tu te focalises ou tu te restreins qu'au Coran, est-ce que tu pourras apprendre qu'est-ce que tu dois dire fil rukou, qu'est-ce que tu dois dire fil sujoud, qu'est-ce que tu dois dire après le Fatiha, qu'est-ce que tu dois dire fil tashahhud, c'est pas cité fil Coran. Ça nous montre que le Coran, c'est la parole d'Allah bien sûr et as-sunna كذلك c'est min wahyillah, c'est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a faite au prophète alayhi salatu wasalam pour nous détailler et nous expliquer le Coran. فالمؤمن يدوى accepter les deux. يدوى accepter القرآن et As-Sunnah. Léana al-Mu'min, il ne fait aucune différence entre al-Wahi, qui est le Coran, et al-Wahi, qui est As-Sunnah, et min hayth al-Qaboul, à un niveau acceptation et soumission, tu dois te soumettre. Falihada al-Ulama kaffaru al-Qur'aniyin, ce groupe qui est apparu, et qu'on essaiera, Inch'Allah, de détailler leurs égarements dans notre série sur les sectes en islam, farraqu bayn al-Qur'an wa as-Sunnah. Ils ont dit, ils ne croient pas en sunna. Pour eux, il n'y a que le Coran. فتتعجب هؤلاء comment ils font le hajj, comment ils font le salat, comment ils sortent le zakat, comment beaucoup de choses, comme min ahkam fi sunna. Bel, on a des adorations qui sont citées fi sunna, tu ne les trouves pas fi le Coran. Mathalan fi le Coran, est-ce que tu as des adillah qu'il faut jeûner le lundi et le jeudi, 3 jours par mois? Est-ce que tu as des adillah dans certaines salawat, que ce soit duha, que ce soit... Est-ce que tu n'as pas fait le Coran? Ça nous montre un na'yid, mais le celui qui rejette le sunnah, il va rejeter beaucoup de ahkam. Falihadha al-ulama kaffarouhum. Ils ont montré clairement un ha'oula, celui qui rejette le sunnah, jumlatun wa tafsila, c'est un kafir. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam qala man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Celui qui ment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui prépare sa place au feu. Mais balouk, celui qui rejette toute la sunnah du prophète alayhi wa sallam. Et pour lui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé aucune trace. Iyadan billah. Fahada la shaka fi kufri. Thumma qala al-Sheikh Sadi rahimahullah, ay as-sunnah. Ay qawluhu, wa anzalallahu alayka al-kitab wal-hikma, ay as-sunnah. Wa qala ta'ala, wa ma atakum ar-rasulu fakhuduhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Donc ça nous montre anna sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on doit l'accepter. Et min huna yatabayyan dalal ha'oula, ceux qui ont délaisser le Coran, ou plutôt le Sunna, les madal, il y en a pour eux, c'est min al-ahad, comme tu as dit. Et on lit Kalam Cheikh al-Uthaymeen pour conclure, c'est un Kalam Jamil, fi hadha al-bab. Aïe, min sharh Cheikh al-Uthaymeen de al-Wasitiyya. Faqala rahimahullah, qala fa'idha sahhat al-Sunna an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, كانت بمنزلة القرآن تماما في تصديق الأخبار والعمل بالحكم. Donc si السنة elle est صحيحة, tu as un hadith صحيح, فمن حيث القبول والعمل, le fait d'accepter et de mettre en application, c'est exactement comme le Coran. Tu n'as pas le droit de délaisser si c'est une obligation, si c'est un interdit, tu n'as pas le droit de commettre, si c'est une recommandation, c'est mieux de la faire, etc. ثم إذا سيتي لو فيرسي قوله عز وجل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ثم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري يقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ألا وإني أتيت الكتاب ومثله معه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأنقعد كنت هؤلاء كي رجد سسنة. النبي صلى الله عليه وسلم إلا دي منتخل أن personne n'a le droit de dire cette chose, elle n'est pas dans le Coran, donc je ne l'accepte pas. Yaqul la nadri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'na. Est-ce qu'on trouve dans le Coran, on le suit. Amma sunna fala. Ça c'est très très grave. Fa lihadha qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala wa inni utitu al-kitaba wa mithluhu ma'a. Et on m'a révélé le Coran. Et Allah lui a révélé le Coran et quelque chose de semblable ma'a. Ay de semblable, ay une révélation, une autre révélation, c'est la sunna. Al-hadith إلى صحيح صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه. أما بعض الناس عيدا بالله يقولون ما on sait plus c'est un hadith tel savant il a صحح tel savant il a ضعف. ça fait partie de ضعف. ça fait partie d'un manque de motivation. et ça fait partie de la paresse. وإلا المسلم يفعل des efforts. si tu as besoin de connaître fais des études. لماذا بعض الناس الآن ils passent des heures pour savoir est-ce que cette chose elle est profitable tel aliment. Est-ce que c'est profitable pour lui? Est-ce que c'est néfaste? Tel médicament, comme on vit actuellement. Des études, il a arrêté les mains. Les gens, ils font des efforts pour ce qui est utile pour leur corps. Mais quand c'est par rapport à l'imam, tu trouves Wardanaz. Ils font même pas de recherche et ils disent, moi, je ne sais pas tous ces hadiths. Lui, il dit, c'est sahih, un autre, il dit, c'est sahih. Moi, je me consacre au Coran. Ça, c'est min al-inhiraf. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre cet égarement. Et Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, il a un livre tayyib, Al-Hadith, il l'a appelé Al-Hadith, Hujjatun bi nafsihi, fi Al-Aqaid wal-Ahkam. Na'am. Al-hadith, donc, hujjatun binafsihi fil aqaid wal ahkam. Et le hadith, c'est une preuve en lui-même, que ça soit dans la croyance ou dans l'ahkam. Thumma qala Cheikh Al-Uthaymeen, et à la fin du chapitre dans son sharh, wa'lam anna mawqifa ahli al-ahwa wal bid'a tijah al-ahadith al-mukhalifa li ahwa'ihim yaduru ala amrayn, imma at-takdhib imma at-tahrif. C'est pour ça que Cheikh Sadi rahimahullah, il a cité هذا الكلام il s'est basé bien sûr sur le matn de Ibn Taymiyyah. Limadha? Li'anna ahli al-ahwa, ils peuvent pas rejeter le Coran. Celui qui rejette un harf du Coran, c'est un kafir billah azza wa jal. Avec la sunna, ils ont deux méthodes. Imma at-takdhib, imma ils disent ce hadith, c'est pas la parole du prophète alayhi salatu salam, il est dhaif. Imma at-tahrif, comme ils font avec le Coran. Dès qu'il est sahih, clair, ils ont plus le choix, ils déforment le sens. قال شيخ العثيمين فإن كان يمكنهم تكذيبه كذبوه كقولهم في القاعدة الباطلة أخبار الأحاد لا تقبل في العقيدة. أما quand ils peuvent, on parle des ahadith في الصفات, les ahadith concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils peuvent les rejeter, ils les rejettent. Et ils ont inventé une règle très très grave. Ils disent أخبار الأحاد لا تقبل dans ce domaine, dans l'aqida. أخبار الأحاد, c'est des ahadith, une chaîne de transmission avec peu de rapporteurs. Contrairement au mutawatir, il y a beaucoup de rapporteurs. Cette différence entre le mutawatir et l'ahad, c'est une bid'a. Et c'est très très grave. Les ma'ad al-anahum, ils ont ouvert cette porte et ils ont rejeté beaucoup de ahkam. Et beaucoup de haqa et des choses liées à la foi. As-sahaba radiyallahu anhum, on peut donner un mithal pour réfuter cette règle fausse. As-sahaba radiyallahu anhum, quand... تحولت القبلة quand ils étaient fil Medina, et la Qibla a changé de sens. Ils ne devaient plus se diriger en direction de Beit al-Maqdis de Jérusalem. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a ordonné de se diriger en direction de Mecca, en direction de Kaaba. Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala an kama fi sahih, quand il a fait salat avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a informés plutôt, et ils ont fait salat en direction de la nouvelle Qibla, à Mecca. Thumma, quand il est rentré chez lui, ou il est sorti muhim du masjid, et il a rencontré, ou il est passé plutôt devant un masjid, et certains compagnons, radiyallahu anhum, qui ont fait salat dans leur masjid, pas avec le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dans son masjid, il y en a à l'époque à Médine, il y avait plusieurs masjid. Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhum, il les a vus faire salat en direction de Al-Quds, alors que Houa, il a assisté avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il savait que la Qibla a changé de direction. Il s'est arrêté indahum et ils étaient en salat et il leur a dit anna al-Qibla, à partir de maintenant elle a changé et on a fait salat avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en direction de Al-Ka'ba. Ils se sont tous dirigés pendant la salat, en pleine salat, ils se sont tous dirigés en direction de Al-Qibla. C'est quoi shahid? Annahum, ils ont accepté son khabar. Pourtant il était tout seul. Il était tout seul. Ils n'ont pas dit là. Il faut at-tawatur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il fallait qu'un deuxième compagnon il vienne, il informe, un troisième, jusqu'à qu'ils arrivent à 20, 30, 40. Après, on accepte. C'est ça at-tawatur. Et ça, c'est très très grave. فَلِهَذَا الْقَوْمِ, ils ont rejeté des ahadiths qui sont fil sahihayn, fil Bukhari ou muslim. Comme ahadith al-ru'ya, par exemple. Anna al-mu'minin, ils verront Allah subhanahu wa ta'ala, etc. فَعَلَى كُلِّ حَالِ, هَذَا, c'est très très grave. قال شيخ ابن عثيمين وقد رد ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة وأبطلها بأدلة كثيرة في أواخر مختصر السواعق. هذا الكتاب c'est une référence. الإمام ابن القيم رحمه الله dans السواعق المرسلة, et le livre, une partie elle a été perdue jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas été retrouvée, لكن المختصر de الموصلي il est موجود et il est جميل, il l'a résumé, l'ont imprimé en deux volumes, en quatre volumes, en un volume. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah radda ala haoula, radda ala al-ash'ira et tous leurs tahrifat, et radda ala hujajihim, et leurs preuves comme quoi le hadith, si c'est min al-ahadith, al-ahad, il n'est pas accepté dans l'aqida. Fahad al-kitab, c'est une référence. Intaha kalam Cheikh ibn al-Uthaymeen rahmatullah alayhi, ou intaha al-murad, wa illa il reste un peu. Hada al-dars, il est très très important. On résume, on a étudié un fasl sur Ahl al-Sunnah wa Ahl al-Bida'a dans Sharh Cheikh Sa'di de l'Wasitiyya, et il a montré Tariqat Ahl al-Sunnah, il a montré Tariqat Ahl al-Bid'a. Thumma, on a étudié un autre fasl fi, et c'est le début d'un long chapitre, d'un assez long chapitre sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les attributs. Et l'imam Al-Taymiyyah dans le Wasitiyya, rahimahullah, il a cité des versets, ثم il a cité quelques hadiths fi hadha al-bab. فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والتوفيق. Et on passe à notre deuxième dars bi idhnillahi azza wa jalla.